Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a débloqué. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes, qu'il soit jeu de société, jeu vidéo ou jeu de rôle. Et aujourd'hui, une thématique un peu plus léger encore que, on va voir que c'est peut-être plus compliqué que ça n'y paraît, puisqu'on va parler de comment parler, comment évoquer l'amour et la sexualité, ou peut-être justement une non-sexualité, on verra, dans le jeu ou par le jeu. Et pour cela, je vais laisser Manuel présenter notre invité du jour. Bonjour Adrien, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous recevons Célène ou Célénée Tonon, vous prononcez comme vous voulez, qui était antécédemment présidente du club de jeux de rôle de l'INSA de Rennes, le club de l'œil glauque, qui est vice-présidente du CGLBT, je le dis dans le bon sens. Centre gay, lesbien, bi et trans. Voilà, de Rennes, d'accord. Contributrice de la collection Sortir de l'auberge, produite par les éditions La Par Marteau, on vous en a déjà parlé il y a quelques temps, et notamment sur le premier bouquin qui sortira bientôt, Jouer des parties de jeux de rôle. Jouer des parties de jeux de rôle, c'est ça. C'est le troisième, voilà, autant pour moi. Et puis qui tient le blog, évidemment, depuis quelques semaines, le blog Awakening Princess, qui propose beaucoup d'articles sur son parcours personnel. Alors, le blog, en fait, plus d'un an et demi, mais il est d'autant plus maintenu depuis plusieurs semaines. Oui, je tâche d'avoir une régularité supérieure, disons. Voilà, et je vais essayer de ne pas me tromper sur la dernière dénomination, parce que jusqu'ici, c'est pas le top de la réussite. Hein. Donc, qui est gameuse aussi, hein, avec une pratique notamment du jeu vidéo et puis du jeu de rôle, et avec qui on va parler effectivement amour et sexualité, des sujets qui ont notamment été évoqués il y a désormais pas loin d'un an. Alors, pas spécifiquement en jeu de rôle, mais en jeu de façon générale. Lors du Stunfest 2015, où tu as participé à une table ronde, enfin à plusieurs tables rondes, et où notamment c'est des thématiques qui sont pas mal revenues sur tout ce qui était de façon beaucoup plus élargie, mais avec des tangences, le genre, les représentations notamment féminines, et puis effectivement amour, sexualité, et jusque dans certains, je sais pas si on dirait extrêmes, mais en tout cas en poussant un peu les choses dans leur retranchement, pornographie. Oui, effectivement, l'année dernière, donc en 2015 au Stunfest, on avait parlé. Alors, j'étais intervenue notamment dans la conférence sur la représentativité des minorités de genre et d'orientation sexuelle. Alors, à la base, c'était dans les jeux vidéo par rapport aux autres médias, mais finalement, ça s'est plutôt orienté vers dans les jeux en général, avec un accent sur les jeux vidéo, ce qui était intéressant aussi. Donc là, pour aujourd'hui, du coup, le thème, comme l'a dit Adrien, c'est par rapport à comment peut-on ou doit-on, on peut en discuter aussi, discuter d'amour et de sexualité dans le jeu. Alors je ne sais pas si l'accent doit être mis plus sur le jeu vidéo, le jeu de rôle ou autre chose, comme on veut, d'accord. La première question, en fait il y a deux questions que je me pose par rapport à cette thématique déjà d'emblée, c'est premièrement, À qui parle-t-on si on parle d'amour et de sexualité, à qui parle-t-on? A-t-on plusieurs publics? Peut-on choisir son public? Deuxièmement, pour quelles raisons? J'évite de dire pourquoi, parce que c'est une connotation de remise en question et comme quoi on ne devrait pas le faire. Non, pour quelles raisons parler d'amour et de sexualité? Pour moi, il y a des pistes à explorer là-dessus. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire par rapport à ça. Non, enfin, je vais parler d'un jeu sorti il y a déjà quelques mois et qui était passé jusqu'à présent assez inaperçu dans la presse vidéoludique française, qui était Cybèle de Nina Freeman. Qui évoquait une relation à distance via un MMORPG, il y a un côté un petit peu mise en abyme comme ça, un jeu vidéo où en fait on joue quelqu'un qui est sur son ordinateur, donc on a accès à ses mails, ses photos perso, etc. Du coup aussi à certaines phases de jeu on doit jouer à un jeu vidéo dans lequel elle rencontre, j'ai oublié le nom du personnage, mais bref, il y a une relation comme ça amoureuse qui se joue à distance avec une représentation du corps. Justement, peut-être que moi, ce qui me paraissait très juste dans ce jeu, c'est que c'était en partie autobiographique. Alors peut-être, est-ce un des biais pour bien parler d'amour et de sexualité ? Il me semble effectivement que si on veut parler d'amour, autant le faire avec le cœur. Donc là pour ça, ça paraît facile à dire, mais en même temps, ça me semble très juste. Donc voilà. Après, je pense qu'il faut pas... Enfin, j'ai l'impression que souvent on parle d'amour et de sexualité pour simplement avoir un ressort scénaristique, pour simplement créer un lien entre les persos. C'est pas ça l'amour et la sexualité, c'est pas un prétexte. Enfin, c'est dommage de n'en faire qu'un prétexte, justement. Et moi je pense qu'il est possible de créer du lien avec autre chose que l'amour et la sexualité. C'est possible de la créer avec une amitié forte, c'est possible de la créer avec une confiance, avec un lien familial, avec tout un tas de choses, avec une promesse, avec un intérêt, avec un amour qui peut être intellectuel aussi. Ça peut être aussi j'admire cette personne par ce qu'elle dit, par ce qu'elle fait, par ce qu'elle représente. Et du coup, là, il peut y avoir un lien. Et moi, je trouve ça intéressant parce que, en plus de ça, ça fournit un biais de quelque part de reconnaissance dans le jeu pour les thématiques aux personnes qui ne sont pas intéressées par l'amour ou la sexualité. Parce que justement, il y a des personnes qui sont on appelle ça les personnes aromantiques ou asexuelles, qui respectivement n'ont pas d'intérêt pour des relations qui vont être romantiques, l'amour, grand amour, tout ça, et pour la vie de couple, etc. Et d'autres qui sont, donc on dit asexuelles, qui n'éprouvent pas l'intérêt d'avoir des relations sexuelles, ça leur passe complètement au-dessus. Et c'est vrai qu'il y a un biais de représentation culturelle, et c'est pas que dans les jeux, hein, c'est dans tous les sitcoms, tous les films, je cite les sitcoms en premier parce que c'est le plus évident, mais absolument tous les films, toutes les séries, toutes les BD, tout ce qui peut passer, tous les romans, il va y avoir des romances, justement le mot, qui vont entraîner un biais. On va se dire oui, c'est normal, on doit aimer quelqu'un et puis avoir des relations sexuelles après avec. Et là-dessus, j'aimerais rebondir sur autre chose aussi, parce que ça m'y a fait penser, parce que la première fois qu'on a présenté le sujet, il me semble qu'on l'avait écrit quand on en avait parlé avant, comment doit-on parler d'amour et de sexualité. Et moi, je pense que on en parle comme on veut, hein, parce que comme on a tendance à reprocher aux luttes féministes, aux luttes LGBT, etc. On a tendance à leur reprocher de faire de la censure, de normer un message, de dire comment on doit faire et comment on ne doit pas faire. Au bout d'un moment, il faut replacer le contexte. Les luttes féministes, les luttes LGBT, ce sont des luttes d'émancipation qui n'ont évidemment pas le pouvoir et qui disent comment elles voudraient un petit peu que ça change, comment elles voudraient aussi qu'on puisse parler, et qui fournissent, et je pense que c'est plus à voir comme ça, qui fournissent des clés pour justement enrichir sa créativité. Parce qu'au bout d'un moment, quand le message est toujours le même, quand le schéma créatif est toujours le même, c'est là, je pense, qu'on se perd et qu'on finit par arriver dans une impasse de la narration, dans une impasse de tout ce qu'on crée. On n'arrive rien à créer de nouveau, toutes les œuvres se ressemblent. Ce qui fait partie de notre critique, justement, que beaucoup de personnages se ressemblent, vont rester en une caricature du trentenaire un peu badass, enfin voilà. Donc le propos, comme la plupart du temps quand on parle de féminisme ou de lutte LGBT, c'est pas de dire comment on doit faire, à peu près jamais en fait, c'est de dire comment on pourrait faire pour donner un petit peu d'air et pour donner l'impression à certaines personnes d'exister aussi, parce que c'est important aussi de se sentir légitime dans notre société. Voilà, oui. Justement, si dans les jeux on parle finalement plus, quand on parle d'amour ou de sexualité, ce qui est pas forcément quelque chose de très forcément très très courant. Le fait qu'on en parle comme un moyen, est-ce que c'est pas lié effectivement à au public qu'on vise en fait, et en gros à une structure dans les grosses productions majoritaires où on vise plutôt un public de jeunes hommes blancs. Alors je ne vais pas reprendre toute la terminologie traditionnelle, mais en gros de jeunes hommes blancs et urbains. Et du coup, on fait effectivement, on est dans une esthétique du garçon et donc qui est plus facilement une esthétique de la violence que du sentiment, de même qu'en cinéma effectivement le film d'action est plus considéré comme, avec toutes les limites que ça peut avoir, hein, mais considéré comme un film de garçon, là où la rom-com, la comédie romantique, va être considérée plutôt comme une cinématographie de filles. Et de ce point de vue là je trouve que le fait qu'un jeu où la relation sociale de façon générale, les relations de séduction qui n'étaient pas nécessairement un moyen mais aussi une pratique du jeu était très présente, c'était The Sims, qui a été très vite considéré comme un jeu plutôt féminin. Alors pour moi, ouais, y a deux choses que j'aime bien dans ce que tu viens de dire et sur lesquelles je vais rebondir effectivement. La première, c'est tout le monde qui s'intéresse un petit peu à l'histoire du jeu vidéo, c'est que c'est déjà dans l'histoire tardive du jeu vidéo, mais dans l'histoire scénarisée du jeu vidéo, il y a Shigeru Miyamoto qui a pas mal fait avec Donkey Kong, avec Zelda, avec Mario, etc. Et dans les témoignages qu'il a fait, il dit aussi que c'est beaucoup des sentiments qu'il a eu dans son enfance, c'est beaucoup des choses quand il gambadait dans la campagne, machin, tout ça. Zelda, il s'est directement inspiré à quand il trouvait des passages secrets, des grottes, machin, tout ça. Et je pense que c'est beaucoup ça, c'est-à-dire que pendant toute une longue période du jeu vidéo, je sais pas si elle est finie, on s'est retrouvé beaucoup avec majoritairement des hommes, parce que c'était des hommes qui avaient accès à des postes techniques, et le jeu vidéo, surtout dans ses débuts, c'était vraiment très technique, et qui pouvaient donc parler à des gens qui leur ressemblaient. Donc je pense qu'il y a pas forcément un procès d'intention à faire, mais juste un biais qui est que quand t'es un jeune homme, je sais pas quel âge avait Shigeru Miyamoto, mais admettons 25-30 ans, et que tu veux parler de trucs qui te font un peu vibrer, et ben tu vas parler à des gens qui vont vibrer avec ces mêmes choses, et du coup ça va créer un cercle vicieux ou vertueux, je sais pas, mais en tout cas un cercle fermé qui va perpétrer les mêmes choses. Donc il y a beaucoup de ça, je pense. Et par rapport à The Sims, c'est rigolo parce que avant sa sortie, avant sa commercialisation, avant le plan marketing qu'il y a eu autour, il était prévu qu'il s'appelle Dollhouse, donc la maison de poupées. Et justement, ils ont beaucoup réfléchi, hein, les marketeurs, et ils se sont dit, ouais, on va complètement le dessiner que au public féminin, et est-ce qu'on risque pas de perdre simplement du marché parce que les mecs, ils se le sont peut-être pas dit en ces termes, mais là concrètement c'est les mecs qui vont devoir défendre leur virilité et jamais toucher à ça, parce que sinon c'est des PD quoi. Donc et du coup il y a vraiment le fait que ça a été renommé The Sims pour être plus général et que les mecs puissent y toucher, et ça a été du coup même un leitmotiv du ouais, mais je suis un mec, mais je peux quand même y jouer, hein. On a entendu des mecs dire ça, donc vraiment, pour moi il y a vraiment cet aspect là de dire oui, c'est vraiment pour tout le monde, même si effectivement c'est une thématique qui est culturellement plutôt orientée et genré dans ce sens-là. Donc ça, c'est amusant de voir justement que c'est les Sims qui a été parmi les jeux de cette époque-là à proposer plutôt en avance par rapport aux autres des thématiques d'homosexualité, de bisexualité. Les personnages d'ailleurs ne sont même pas étiquetés hétérosexuels, bisexuels. On peut séduire qui on veut et être séduit par même qui on veut pas. Là-dessus, c'est assez intéressant de voir que c'était un jeu qui était en avance là-dessus, justement en ayant une population qui était plus facilement féminine. Je trouve ça intéressant. En fait, je me rends compte sur les Sims ou les représentations en fait assez générales qu'on est dans un public peut-être pas masculin, féminin, mais un public familial. Et justement, est-ce que je crois deviner la question, mais justement ce ciblage familial, est-ce qu'il n'est pas déjà orienté dans le sens de la famille, je crois que c'est mononucléaire, tu me corrigeras, mais C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est frappant dans les Sims, c'est le fait que le polyamour par exemple, qui est, pour rappeler un petit peu la définition, le fait de pouvoir avoir plusieurs relations en même temps avec plusieurs relations amoureuses, hein, avec plusieurs personnes totalement informées et au courant de ce qui se passe et consentantes par rapport à la situation. La relation polyamoureuse dans les Sims, elle n'existe pas. Et dans n'importe quel Sims, hein, je veux dire, je ne sais pas quel est le dernier épisode, le 4 peut-être, c'est, même dans les Sims 4, ce n'est pas possible d'avoir plusieurs couples en même temps sans que, quand il y ait deux de ces personnes qui arrivent dans la même pièce, elles se tapent dessus. Alors que dans la réalité, c'est tout à fait possible. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il y a un biais. Il y a un biais sur la notion de mariage, parce que pour s'installer ensemble dans les Sims, c'est vraiment la notion on se marie pour s'installer ensemble. Y a quand même une structure qui est très, très reconnaissable là-dessus. Ça c'est totalement vrai. À l'inverse, en jeu de rôle, on a des choses, alors pour le coup plus contemporaines, hein, mais qui vont jouer sur la question de l'amour et de la sexualité comme un moment de trouble. Je pense notamment à Monster Heart de Joe McDaniel, qui est un hack, enfin une version qui utilise le moteur d'Apocalypse World, qui est lui-même un jeu qui interroge pas mal la question de la sexualité. Je pense que j'y reviendrai plus tard. Mais pour le coup, dans Monster Heart, il y a notamment des effets de jeu qui font qu'un personnage peut être séduit, ou en tout cas ressentir du désir pour un autre, y compris le personnage d'un joueur pour un autre personnage de joueur ou pour un personnage non joueur, même si son joueur l'a pas décidé, pas comme il aurait pris une blessure dans le cadre d'un combat dans un jeu traditionnel, mais il y a de ça, c'est-à-dire que je ressens du désir sans l'avoir vraiment voulu, dans un cadre précis où on joue des adolescents qui eux-mêmes s'interrogent sur leur personnalité, leur nature, puisque ce sont des adolescents monstrueux. On est dans un contexte à la Twilight ou Buffy contre les vampires, on va jouer du loup-garou, des sorcières, ce genre de choses. Je connais moins ce qui se fait en jeu vidéo, mais il y a aussi cette idée d'introduire la question de l'amour et de la sexualité comme déjà une forme de discours pour parler autrement de la relation humaine en fait aussi. Oui, et par rapport à ça, il y a quelque chose qui m'interpelle. Alors, je trouve ça intéressant dans la forme et dans le fond d'ailleurs aussi, qu'on puisse effectivement être séduit ou séduite par quelqu'un qui ne correspond pas aux critères qu'on avait présupposés dans notre tête, comme ça, on se dit « Ah, mais moi, de toute façon, je suis hétéro ou je suis homo, donc je ne peux pas être intéressé par telle personne. » Et puis, en fait, on est séduit ou séduite donc par cette personne à laquelle on ne s'attendait pas. Donc ça, je trouve ça assez positif, effectivement, de pouvoir mettre en questionnement l'orientation sexuelle, de pouvoir mettre en perspective. Par contre, je voudrais insister sur le fait que c'est là où doit s'arrêter le non-consentement. J'en parle parce que on en avait parlé aussi avec Thomas Munier là récemment quand on s'était vu. Il y a la littérature sur le net d'ailleurs qui fourmille d'exemples à ce sujet-là. Et ce qui est hyper important, c'est on ne viole pas le personnage de quelqu'un. Hein. Ça, c'est pour le coup, là, je suis un peu impérative, mais ça semble hyper important. Quand je dis on ne viole pas le personnage de quelqu'un, c'est aussi pas sans son consentement, évidemment. Si la personne en face est à l'aise et à la demande de ce genre de... Bon, peut-être, mais en tout cas, ça doit vraiment avoir été prévu à l'avance, discuté. Il faut que le consentement soit vraiment... c'est quelque chose de certain, c'est pas oui mais cette personne avait l'air d'accord Donc je l'ai fait. Ça justement, c'est exactement la rhétorique du viol. Donc au bout d'un moment, il faut qu'il y ait un consentement et s'assurer de ce consentement. Et c'est la seule situation où c'est éventuellement possible de mettre en place ce genre de ressort scénaristique. Simplement parce que, enfin, moi personnellement, ça m'est arrivé en jeu de rôle que, bon, c'était sur internet, mais ça change rien au ressenti, hein, honnêtement, qu'un MJ se trouve opportun de décrire une scène où mon personnage se faisait violer, subissait un viol même, parce que c'est pas une action de la part du personnage, hein, c'est bien le personnage qui subit le viol, et honnêtement, je me sentais pas bien. Honnêtement, j'ai mis plusieurs jours et plusieurs nuits à m'en remettre parce que oui, je pense qu'à ce moment-là, on subit quelque chose qui est effectivement une agression. Et ça n'est pas un ressort qui est utile dans la narration, c'est quelque chose... Là, à ce moment-là, on arrête de jouer avec le joueur ou la joueuse, on lui fait subir quelque chose. On lui fait subir une humiliation, on lui fait subir une agression par l'intermédiaire du jeu, et c'est là où le jeu s'arrête, justement. Donc je tenais à insister, c'est vraiment pas la même chose de séduire quelqu'un qui s'attendait pas à pouvoir être séduit de cette façon-là ou par cette personne-là, et de faire irruption de violer cette personne ou son personnage. C'est pas la même chose. Alors sur Monster Heart, ça fait partie, enfin la mécanique de séduction fait partie vraiment des éléments centraux du jeu. Je pense que c'est effectivement nécessaire que ce soit clarifié pour tout le monde. Et puis on est bien dans uniquement l'émergence du désir du personnage au-delà de toute mise en action derrière. C'est en aucun cas un appel au viol ou à la prise de possession du personnage en dehors du désir du joueur de quelque façon que ce soit. C'est vraiment aussi pour incarner un propos sur le quand on est adolescent. Entre ce qu'on imaginait vouloir par des constructions sociales et ce qu'on ressent intérieurement, il peut y avoir un hiatus. Et ça joue vraiment sur cette idée-là. Adrien ? Non, je voulais entre guillemets me faire l'avocat du diable, mais aussi pour que le message passe et soit entendu par nos auditeurs. On pourrait dire, après tout, si le jeu le permet. Et justement, peut-être que répondre à ces remarques qui disent, c'est le jeu, c'est comme ça, faut que tu gères, quoi. Le jeu, il est là pour amuser tout le monde. Enfin, moi, je pense qu'autour d'une activité ludique, on joue ensemble. On joue ensemble, on joue avec les autres. Et le mot avec, il est hyper important. On va pas jouer contre les autres, même dans un jeu hyper compétitif. C'est pas opportun de commencer à mettre je sais pas un médicament dans le verre de son voisin pendant qu'il est allé aux toilettes ou de l'empêcher de venir à la prochaine session en lui planquant la date. Enfin, ça paraît complètement surréaliste dit comme ça, mais je pense que choquer le joueur ou la joueuse derrière le personnage en lui faisant subir une empathie qui n'est pas vraiment souhaitée, parce qu'il y a toujours un lien empathique avec le personnage, et à plus forte raison d'événements qui peuvent être arrivés à la personne, parce que quand on a subi un viol, on n'a pas tendance à le dire à ses camarades de jeu tout de suite, voire jamais, parce que ça fait partie de la vie privée. Et il faut vraiment comprendre qu'en fait, au sujet de la personne qui est victime de viol, il y a tout un construit social. Et la personne a forcément aussi peur de se retrouver avec ce construit social sur la tête. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne dira qu'elle a été victime de viol, tout le monde autour va poser sur sa tête un petit peu comme la crécelle des lépreux, quoi, le côté cette personne a été victime de viol, elle est entourée un petit peu d'un halo mystérieux et c'est une petite chose fragile à laquelle il faudra jamais toucher. Il y a aussi cet aspect là et les personnes veulent pas forcément être rangées dans cette catégorie, veulent pas forcément subir aussi cette vision sociale. Donc il y a des personnes qui ont été victimes de viol autour de vous, c'est un fait. Statistiquement, les chances sont ridicules que ça ne soit pas le cas, en fait. Donc là-dessus, le viol, c'est pas une thématique qui est anodine. dont on rigole facilement avec des gens dont on, voilà, c'est même impossible de savoir si c'est pas arrivé en fait. Donc il y a une attention particulière. Et puis du côté de l'agissant, pour reprendre un petit peu les échanges qu'on avait dans l'épisode précédent, que vous devriez écouter si vous ne l'avez pas encore fait, avec Thomas Munier, effectivement, il y a toujours cette question du hiatus entre le jeu tactique et le jeu moral. C'est-à-dire, en jeu tactique, je le fais parce que je peux le faire, et ce que je ne fais pas, c'est parce que je ne peux pas le faire. Alors en jeu moral, j'ai plusieurs choix, je peux faire plusieurs choses, mais qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce qui est... pas qu'est-ce qui est possible, mais qu'est-ce qui est légitime. Et forcément, ça fait complètement décaler la question. Je peux le faire, mais c'est pas parce que je peux le faire que je dois le faire. Et effectivement, un joueur, je pense aussi, qui est dans une intention tactique, peut se retrouver dépourvu ou très maladroit s'il se retrouve à jouer à un jeu moral. Et si on commence à être dans une approche multijoueur telle que peut l'être la pratique du jeu de rôle de jeux de société ou de certains jeux vidéo, ça peut effectivement provoquer des désagréments autour de la table, j'imagine aussi. On s'éloigne un petit peu de la question de l'amour et de la sexualité. et ça, c'est pas trop de l'amour. L'amour, je voudrais y revenir après, parce que je pense qu'on peut presque élargir aussi à la question de l'empathie, qui est une question qui est pas beaucoup pratiquée, mais qui l'est quand même très très bien dans certains jeux. Sur la sexualité, il y a quand même tout un pan du jeu, notamment en jeu vidéo, qui l'a fait sienne. C'est la pratique japonaise des sex games. Donc on peut pas complètement évacuer de la question quand on commence à dire on va parler de sexualité dans les jeux. Il y a effectivement eu, et il y a encore, j'imagine, tout un marché du jeu pornographique aussi, qui n'est pas limité au Japon d'ailleurs, qui a aussi fait tourner beaucoup d'argent en Europe et aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord de façon générale. On remarquera quand même que, comme pour la pornographie, comme pour les vidéos pornographiques, c'est une industrie qui est quand même majoritairement très cisgenre, très hétérosexuel. Après, très cisgenre, quand il y a des femmes transgenres, c'est bien des femmes transgenres et voilà, dans un rôle avilissant. Donc, bon. Et très, c'est très fétichisé. Donc oui, ça, là-dessus, c'est vrai que ces jeux-là ont un propos à caractère sexuel. Après, je ne sais pas s'ils parlent de sexualité. J'ai pas l'impression que ce sont des jeux qui parviennent à parler de sexualité dans le sens où, pour moi, il n'y a pas de propos. Pour moi, il y a une image, il y a un ressenti qu'on essaye de donner, mais qui est plus de l'ordre pulsionnel et de l'ordre du fanservice, en fait. Je donne ce qu'on veut avoir dans l'instant, très vite, sans forcément qu'il y ait de réflexion, qu'il y ait de propos derrière. Donc, moi, pour moi, ce sont des... Justement, ce sont presque les jeux qui parlent le moins de sexualité. Juste une précision pour nos auditeurs qui connaîtraient peut-être pas le terme cisgenre. Enfin, tu me corrigeras si je me trompe. C'est en fait l'idée d'une, enfin la norme était, enfin l'hétéronormalisation du comportement. Je te laisse peut-être, t'as peut-être les mots plus précis que moi. En quelques mots, une personne transgenre, déjà, c'est une personne qui a résisté à l'éducation qu'on lui avait donnée et aux normes de genre telles qu'on les lui avait exprimées, et qui décide de faire une transition à un moment ou à un autre de sa vie pour mettre en concordance son ressenti intime et du coup l'image sociale que cette personne donne. Donc par exemple, pour donner un exemple, une femme transgenre, c'est généralement ce qu'on connaît le plus quand on parle de personnes transgenres, ça va être une personne qu'on a assignée garçon à la naissance, mais ça c'est plus important. Ce qui est important, c'est que maintenant, cette personne vit et s'assume en tant que femme dans la société, quels que soient les combats que cette personne va mener. Donc il y a les hommes transgenres qui mènent le combat opposé, il y a des personnes non-binaires qui rejettent le caractère binaire du genre tel qu'il nous est imposé culturellement et qui vont développer une autre forme d'expression, y compris d'expression sociale du coup. Donc voilà, pour préciser, donc transgenre c'est ça. Cisgenre, c'est les personnes qui ne font pas partie justement de cet ensemble-là. Ces personnes cisgenres, ce sont des personnes qui vont être restées quelque part du bon côté du genre, Parce que je dis ça, cis trans, c'est directement du latin, c'est directement les Romains disaient la Gaule cisalpine, c'est de notre côté, c'est du bon côté, la Gaule transalpine, c'est de l'autre côté des Alpes. Donc voilà, c'est directement en lien avec ce vocabulaire là. Donc les personnes cisgenres sont restées du bon côté, du côté commun du genre, ont pas essayé de traverser des Alpes périlleuses, dangereuses avec tout ce que ça implique, et a priori se sentent plutôt bien avec cette réalité-là. Donc voilà, c'est pour ça que, quelque part, c'est le pendant de l'hétérosexuel pour l'homosexuel. En comptant le fait, y a toujours des personnes bisexuelles qui se reconnaissent ni en l'un ni en l'autre. Y a des personnes qui sont non-binaires et qui vont se reconnaître ni dans l'un ni dans l'autre. Enfin, voilà, c'est... avec toutes les subtilités que ça peut comporter, bien sûr. Voilà, enfin, c'était pour être précis, et je pense que c'est aussi important que notre public, qui n'est pas forcément habitué à ces questions-là, ait cette information-là. Je voulais, donc, on a parlé des jeux japonais pornographiques, mais il y a aussi ce qu'on appelle les dating sims, les simulations de rendez-vous galants ou de drague. Pareil, ils sont très codifiés, avec... Il y a une véritable culture du dating sim. Justement, qu'est-ce qu'on peut en dire quand on voit toutes ces productions qui vont des amourettes très classiques et hétéronormées, dans un collège japonais ou que sais-je, jusqu'à la romance entre deux pigeons. Là, tu parles de Hatoru Boyfriend, qui, alors j'y ai pas joué, mais j'ai vu pas mal de reviews et de commentaires par rapport à ce jeu-là, qui disait généralement, alors pour préciser, c'est l'histoire d'une jeune fille qui arrive dans un campus de pigeons. Alors, j'y ai jamais joué, donc je comprends pas par quel mystère et comment expliquer qu'elle se mette dater, donc à avoir des rendez-vous avec des pigeons, mais vraisemblablement ça tient debout dans le jeu, et voilà. Et la plupart des gens qui m'en ont parlé ou dont j'ai vu parler sur les réseaux sociaux disaient au début j'ai joué pour la décode parce que le sujet me faisait marrer, mais en fait je comprends pas pourquoi j'y accroche, et ça je trouve que c'est révélateur aussi de comment on peut formuler un propos. De comment ça se fait qu'un dating sim qui va être finalement très très classique, avec on joue un mec hétéro qui va rencontrer des nanas et gagner des points en discutant avec elles, et plus il va passer un palier, plus il va pouvoir, enfin, avec quelque chose de très, et moi je trouve que c'est un message qui est dangereux, parce que c'est le message de je mérite, c'est toujours, et d'ailleurs l'image du comment on appelle ça, du nice guy, donc du gars gentil, est directement issu de ce propos-là. C'est-à-dire, c'est Mario Bros, quoi. C'est j'ai sauvé la princesse, donc je mérite son attention. Et on rencontre, du coup, socialement, pas mal de jeunes hommes, souvent, qui sont tout malheureux et disent « Je comprends pas, j'ai été gentil avec elle et elle veut pas sortir avec moi. » Mais le truc, c'est qu'il s'est pas préoccupé, déjà avant tout ça, de savoir si elle était intéressée d'une manière ou d'une autre, si... son consentement, finalement, n'est même pas question dans l'affaire. C'est « Je comprends pas, je mérite. J'ai accompli tous les rituels et codes et ce qu'on attendait de moi. » J'ai été un vaillant chevalier qui... voilà. Et je comprends pas, ça marche pas. C'est peut-être parce que le message, à la base, dans la plupart des médias culturels, il est complètement brouillé. Le chevalier qui va délivrer la princesse, il faut d'abord que la princesse elle soit d'accord pour... J'avais vu d'ailleurs plusieurs vidéos sur le net qui se jouaient de ce cliché et qui... Le chevalier venait délivrer la princesse et là le dragon avait une discussion avec la princesse, mais au fait du coup ça te va, il te plaît, ah non pas lui, et là le dragon se mettait à le cramer sur place. Et donc quelque part il y a vraiment une réflexion qui est utile, et le dating sim donne vraiment l'impression que si un homme parle à une femme, s'intéresse suffisamment à elle, la couvre de cadeaux et à la fin il mérite le mini-jeu tactile pour la scène porno, quoi. C'est bien qu'on ait des évolutions un petit peu désexualisées, parce que j'imagine que du coup Hatoful Boyfriend Bah, je vois mal comment on sexualise des pigeons, donc je pense que c'est fait exprès d'ailleurs. Donc c'est bien qu'on ait finalement un genre qui se renouvelle et qui puisse proposer quelque chose au-delà d'un contenu parfois pornographique ou en tout cas érotique et des mécaniques plutôt intéressantes. J'aurais plein de choses à dire. La première, c'est, je me demande dans quelle mesure, c'est une image un peu aussi probablement traditionnelle du jeu, hein, mais dans quelle mesure, comme le format du jeu, de façon traditionnelle, c'est je surmonte des épreuves pour arriver à une victoire, il n'y a pas un transfert de perception qui se fait. Voilà, ça on va le garder un petit peu de côté. Dans cette histoire de princesse, de dragon et de chevalier qui sauve, j'avais, histoire de faire un petit peu de name dropping, envie de citer Braid, qui pour le coup propose une lecture assez radicalement différente, en nous laissant croire pendant quand même très très longtemps dans le jeu qu'on est le chevalier qui va sauver la princesse, avec une histoire qui est probablement un petit peu différente et pas forcément très très joyeuse. Voilà, j'avais envie déjà de nommer ces deux choses-là. Après je reviendrai notamment, un jeu m'est revenu, auquel je sais qu'on avait joué pas mal, Adrien comme moi, qui parle d'amour d'une façon assez intéressante, même si pour le coup c'est pas la question de la séduction ou de la sexualisation qui vient, et le format est probablement encore plus improbable que des histoires de pigeons. Mais quel regard tu as sur justement ce parallèle entre la perception qu'on a, et je sais pas si c'est récent ou pas, mais de cette idée de dire que la séduction effectivement c'est une série d'épreuves et qu'à la fin on gagne, et le parallèle qu'on peut avoir avec une pratique importante du jeu où c'est une modalité normale, en tout cas quand on joue pas en multiplayer, puisque quand on joue en multiplayer les choses se passent plus du tout comme ça. Est-ce que tu peux préciser un petit peu? Est-ce que si je joue beaucoup à Mario ou à d'autres jeux, je vais avoir l'impression plus facilement, ou en tout cas ça va me mettre en disposition d'esprit plus facilement de dire si je surmonte les épreuves, si je fais des efforts, à la fin je mérite qu'on vienne à moi? Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le véhicule culturel, il est toujours multiple. C'est toujours beaucoup de facettes, c'est toujours beaucoup d'œuvres. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup d'œuvres, voire une quasi-totalité d'œuvres, qui instillent ce genre de... Enfin, je veux dire, j'avais parlé des sitcoms tout à l'heure, mais c'est encore le même principe. C'est le sitcom, on voit souvent un jeune mec qui redouble d'efforts, et on le voit d'ailleurs dans The Big Bang Theory, où il y a Leonard qui redouble d'efforts pour séduire sa voisine, et... forcément il y a un regard de la caméra, il y a un parti pris de réalisation où on se prend en peine pour le pauvre Léonard qui arrête pas de se manger des râteaux, et quand même la voisine elle est plutôt vache, elle pourrait accepter au bout d'un moment. Alors que la voisine elle a le droit de pas vouloir et d'avoir sachant qu'il y a encore un biais sexiste qui se voit dès le début du elle aime les mecs bien machos et qui les traite comme de la merde, etc. Il y a une rhétorique, et c'est pas parce qu'on regarde Big Bang Theory qu'on va intégrer cette rhétorique. C'est parce qu'on regarde Big Bang Theory, c'est parce qu'on regarde toutes les autres séries du monde qui mettent ce genre d'idées dans la tête. Donc, au bout d'un moment, les jeux vidéo, ça rend pas sexiste. C'est évident. Les jeux de rôle non plus, les séries non plus. Par contre, toutes les constructions culturelles, effectivement, elles rendent pas sexiste. Par contre, quand elles sont toutes seules, et quand il y a que ça qui existe comme idée, que les autres idées, que les autres représentations n'existent pas, sont absentes ou très marginalisées, et que on s'abreuve de ça depuis notre plus tendre enfance, au bout d'un moment on a des présupposés, des biais qui sont sexistes. Donc moi je pense que c'est là aussi que si je sais pas si t'as quelque chose à rajouter par rapport à ça, mais j'avais aussi un autre je verrai après. Et justement, comme le jeu c'est aussi pour le coup, à contrario, comme le jeu c'est le loisir de l'expérience, de l'expérimentation, c'est le jeu qui va bouger en fonction de ce qu'on lui propose, de ce qu'on lui apporte, c'est potentiellement, ça pourrait, je sais pas si ça l'est beaucoup, un exercice d'empathie qui peut être intéressant aussi, de se mettre à la place d'eux, et peut-être une approche notamment une approche quasi éducative pour porter un regard différent sur l'amour ou la sexualité. En tout cas ça a le potentiel, peut-être plus que d'autres supports artistiques, disons. C'est vrai, et ça me donne tout à fait une idée que bah, je vais vous donner. Elle est open source, vous l'utilisez si vous voulez. Pourquoi un jour ne pas jouer un dating sim inversé ? On joue la nana qui essaye de se faire séduire par le mec peut trouver ridicule parfois les prétentions ou dangereuse parce que oula, il commence à devenir inquiétant, il me stalk, il essaye de repérer où je suis, à quel moment, parce que dans le dating sim il y a ça aussi, hein. Il y a aussi le fait de d'essayer de repérer quelle nana est à quel moment dans la semaine à quel endroit et de se retrouver comme par hasard. Donc enfin, il y a une démarche vachement malsaine. donc moi je pense que jouer du point de vue justement de la nana dans le dating sim, ça peut être hyper rigolo. Avec les bonnes mécaniques gameplay, avec les bonnes idées qui vont avec. Évidemment, ça se fait pas tout seul. C'est justement un challenge à la hauteur. Et du coup, en parallèle, autre chose qui pourrait être hyper intéressant, bah, je suis la princesse qui va se faire sauver, et le chevalier, généralement, ou le Mario, ou ce qu'on veut, ou le Link, il met des plombs à arriver quand même. Surtout qu'il ramasse tous les rubis dans les hautes herbes et tout. Enfin, au bout d'un moment, il met vraiment des plombs. Donc pendant ce temps, je fais quoi ? Et quand il arrive, qu'est-ce qui se passe ? Parce que moi, j'ai passé des mois dans ma tour ou dans mon donjon ou je sais pas quoi. J'ai forcément développé une perception de ma réalité. J'ai forcément connu des gens en prison. C'est très possible. J'ai probablement fait des choses pour essayer de m'en sortir. Comment je réagis au mec qui arrive, qui dit que si je suis libre, c'est grâce à lui et que je lui dois un bisou, voire plus. Donc, je pense qu'il y a... Voilà, si ça vous branche de faire un jeu qui est centré autour de ça, ça peut être une idée. On note l'invitation, mais j'ai presque envie de dire que ça a été fait. Alors, c'est pas ça que je veux dire. Ce que j'entends par là, c'est que justement, on remarque que faire jeu de société demande une logistique particulière, donc effectivement, on voit pas trop de jeux de société, enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Fait en tout cas dans ce genre d'optique, mais en jeu de rôle on voit qu'il y a des scénarios qui sont adaptés ou en tout cas qui sont retravaillés pour donner une représentation plus libre et plus juste, sans doute des volontés de chacun, des orientations de chacun. Mais c'est aussi le cas dans le jeu vidéo. Je pense par exemple à un truc tout bête, voilà, il y a Breaking the Ice pour le jeu de rôle, mais aussi à tout ce qui sont faits au niveau de la scène amateur du jeu vidéo. J'ai souvenir d'une game jam, c'était Game for Lila, je crois, qui était en réaction face à une femme qui s'était donné la mort suite à du harcèlement sur justement son changement de genre. Je ne sais pas si le terme est bon, mais... Plus précisément, c'est une femme transgenre donc qui... vous prévoyez un jour peut-être de faire une transition, donc qui était encore reconnue comme étant un garçon, et notamment par ses parents, donc c'était aux États-Unis, donc les parents vraiment bigots et extrémistes. Oui, effectivement, Lila Alcorn, une femme transgenre, oui, c'est avant tout pour ça, et à cause de la transphobie qu'elle s'est suicidée. Oui, et donc en réaction face à ce drame, on a vu qu'il y a une communauté qui s'est faite, qui a formé une game jam, c'est-à-dire un temps... où on avait 48 heures pour créer un jeu. Il y a eu des jeux qui ont émergé de ça, montrant quand même qu'une part de la communauté de ce qu'on appelle les gamers, même si j'aime pas absolument pas ce mot, commence à se soucier, et en tout cas une communauté qui n'a pas attendu que sais-je Blizzard ou BioWare mettent ce genre de thématique dans ces jeux. Mais l'inclusion de thématiques qui vont être, alors pas forcément remettre en question le genre ou l'orientation sexuelle, mais qui vont se jouer un peu des clichés dans une optique de créativité, tout simplement. Moi, je me souviens d'un jeu sur Super Nintendo, très très méconnu ce jeu-là, donc je vais peut-être vous le faire découvrir, qui s'appelle Live Alive. Donc, alors j'ai un accent anglais pourri, donc ça se trouve ça se prononce live ou je sais pas, c'est L-I-V-E, donc live, live, donc voilà. Alors, la thématique du jeu, très très rapidement, c'était de jouer plein de personnages différents dans des mini-histoires. Alors, on jouait un mini-robot dans un vaisseau pour rejouer une histoire à la Alien, on jouait un cow-boy dans le Far West, on jouait... Enfin, il y avait plein de... un homme préhistorique, et avec des petits éléments gameplay qui étaient rajoutés, qui changeaient selon le perso. Par exemple, pour le personnage dans une époque, parce que à chaque fois c'est dans des espaces-temps différents. Et pour le personnage qui était dans un espace-temps genre Japon futur proche, un peu à la manga, quoi, il pouvait lire les pensées des autres, l'homme préhistorique qui pouvait renifler pour suivre des pistes. Enfin, il y avait à chaque fois, je crois que c'était le bouton Y sur la manette Super NES qui permettait une action comme ça différente à tout le monde. Donc ça, c'était sympa, mais bref, c'est pas le propos. Quand on finissait toutes les mini-histoires, on accédait à une autre mini-histoire qui se passait au Moyen-Âge, où là, c'était le classique du héros avec son sidekick qui allait sauver la princesse. Et donc, à deux, ils vont sauver la princesse, mais il y en a qu'un des deux qui est vraiment récompensé. Il y a qu'un des deux qui peut se marier avec la princesse. Et après ça, en fait, on se rend compte que l'écran titre du jeu, à mon souvenir, change. Et Live Live, en fait, il est écrit, mais le live, il se décale sur le côté, il s'inverse, et c'est Live Evil qui s'écrit. Donc là, déjà, c'est un retournement un peu sympa. Et on se rend compte que le dernier scénario, désolé, spoiler, mais de toute façon, personne ne connaît ce jeu et personne n'y aurait joué si j'en avais pas parlé, je pense. Hein, donc... on se rend compte que la dernière scène elle consiste à aller récupérer plusieurs personnes dans des espaces-temps différents, parce qu'il y a un danger, il y a une interférence dans l'espace-temps, etc., qui vient d'un grand méchant au Moyen-Âge qui se met justement à faire du mal partout dans l'espace-temps. Et en fait, c'est le perso qu'on a joué qui est frustré, qui devient méchant, parce qu'il se rend compte qu'une fois qu'il a sauvé la princesse, la princesse, elle lui dit bah, moi c'est ton pote que j'aime, j'ai été obligé de me marier avec toi, j'étais pas intéressé, je m'en vais, je vais avec ton pote. Et là le type qu'on a joué, frustré, déçu, devient le boss final. Et on joue les autres persos qu'on a joués avant pour le détruire, pour arrêter tout ça. Parce qu'il se met à... En fait, ce qu'il se met à faire, c'est grâce à sa magie, grâce à toutes les connaissances occultes qu'il a pu réunir, il devient le démon et il commence à aller interférer dans toutes les histoires des autres pour créer de la douleur, pour que les autres ressentent sa douleur. Et ça, j'ai trouvé ça sympa de mettre en scène le fait que bah oui, le type, il a sauvé la princesse et il s'est pris tout le mérite pour lui et il s'est attendu à ce qu'on l'acclame. Mais en plus, il y avait son pote à côté qui lui, n'a rien eu pour lui. Et la princesse, c'était plutôt son pote qu'elle aimait. Donc là, il y avait un retournement créatif. Je ne pense pas qu'il ait été militant d'aucune façon. Mais j'avais trouvé ça intéressant à l'époque. J'ai l'impression que les histoires d'amour ont tendance à mal se passer en jeu quand même souvent. Un jeu dont je voulais parler tout à l'heure, qui est un jeu mobile, ça faisait longtemps, auquel j'ai pas mal joué. Alors je crois que vous pouvez trouver aussi les chapitres en jeu flash sur le web. Hein. C'est un jeu qui s'appelle Pretentious Game, où on joue un pixel. Et en fait, c'est une histoire d'amour. Et ça ne fait que parler d'amour avec et pour le coup une histoire d'amour qui est finie et qui s'est pas très bien finie où vraiment le sujet c'est ça, sachant que c'est un petit platformer où on joue un pixel et où à chaque niveau propose une phrase qui est une part du récit de ce qui s'est passé qui permet de comprendre l'histoire au fur et à mesure et qui est en même temps la règle du niveau ou en tout cas une indication sur ce qu'il va falloir faire pour réussir à battre ce niveau là Et de la même façon que ce que tu disais à propos des pigeons, on arrive à produire une certaine mélancolie et puis en tout cas faire passer effectivement une émotion et à parler d'amour et de ce que ça peut avoir de difficile. Pour le coup, on ne parle pas de sexualité parce que les pixels ont une sexualité assez restreinte. Mais on arrive à parler d'amour avec des choses qui n'ont en aucun cas visage humain et qui a priori en plus sont pas forcément les meilleurs supports pour parler d'amour. Je pense pas que le platformer soit a priori le jeu qu'on prendrait d'instinct comme ça quand on veut raconter les atermoiements intérieurs d'un personnage. Qu'est-ce que c'est à ton avis pour toi, c'est quoi les modalités de jeu qui se prêtent le mieux à parler d'amour? T'as peut-être des préférences? Je sais pas vraiment quel est le meilleur support de jeu pour parler d'amour, parce que finalement parler d'amour, comme je disais tout à l'heure, on parle d'amour avec le cœur, et je pense que c'est la façon dont l'artiste qui va concevoir, et j'aime bien parler d'artiste parce que c'est avant tout transmettre de l'émotion, c'est avant tout, voilà, l'artiste va vouloir parler d'amour, bah il utilise le alors si c'est un platformer qui lui parle le mieux parce qu'il considère qu'il doit surmonter des montagnes entières, ben ça peut lui parler, ça peut être une image qui lui parle, et passer par-dessus des ravins et toute image qu'on doit pouvoir déployer pour soutenir cette rhétorique là, ça peut être plein de choses, ça peut être un jeu d'enquête, ça peut être moi ce que je trouve intéressant dans le fait que l'amour soit souvent utilisé comme ressort, c'est que l'amour ça apporte de la frustration souvent, pas toujours, mais culturellement, on est quand même au courant que quand l'amour se passe pas toujours comme on voudrait, ben ça y a une frustration. Et du coup, là-dedans, dans le jeu vidéo, c'est intéressant, et dans n'importe quel jeu en fait, c'est que la frustration est un moteur au gameplay. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui vont faire des mécaniques de jeu vont compter sur des éléments de frustration plus ou moins intenses pour pouvoir rendre leur jeu non seulement attrayant, mais aussi donner le goût de reviens-y. Et d'ailleurs, les jeux mobiles qui vont avoir la mécanique des microtransactions l'ont hyper bien compris. Frustrer le joueur, c'est la première de leurs recettes pour inciter à payer et à continuer à jouer. Mais moi, je me souviens, on avait fait un jeu en ligne, on a fait plusieurs des jeux de rôle en ligne avec des mécaniques de points d'action qui étaient données aux joueurs, par exemple, toutes les heures ou toutes les 12 heures ou toutes les 24 heures. La mécanique du bah là tu as dépensé tes points donc tu peux plus bouger, tu peux faire plus que envoyer des messages aux autres et tu peux plus faire d'action, tu peux plus bouger, mais après t'inquiète pas, dans 6h55 là tu vas pouvoir rejouer. C'est hyper cruel, mais ça marche super bien. Ça permet à des joueurs et des joueuses de rester accro à un jeu pendant des années au même jeu. Donc je pense que une histoire d'amour, effectivement, c'est hyper tentant pour les concepteurs de jeux de compter sur le ressort d'une histoire d'amour qui va mal tourner et sur la frustration que ça inspire au joueur pour l'inciter à continuer à jouer. Je parlais du format aussi parce que, par exemple, là, j'ai ramené à la table d'enregistrement deux exemples de jeux de rôle qui parlent d'amour et dont c'est vraiment une thématique centrale. J'en parlais parce qu'en plus, c'est des petites productions et puis c'est des bons jeux. Mais surtout, vous allez voir, c'est pas innocent par rapport à cette histoire de format. Le premier, de Emily Kerbos, une jeune femme, pour le coup. Enfin, je ne sais pas si elle est encore très jeune, mais une femme, pour le coup, je pense que c'est pas anodin. S'appelle Breaking the Ice. C'est un jeu pour jouer des rencontres amoureuses. Et là, on joue les trois premiers rendez-vous d'un couple. Son intention originelle était de jouer de la comédie romantique en disant jeu de rôle, pour l'instant on propose de la bonne aventure épique, mais alors pour jouer des comédies romantiques qui est quand même une part importante de la production culturelle, on n'est pas très très bien armé, je vais faire un jeu pour ça, jeu qui a été créé en 2005 pour sa première édition, deuxième en 2010. La version française était disponible, je crois qu'il y en a plus trop, à mon avis ça va être compliqué chez la boîte à eux. En France elle est sortie en 2011, un jeu qui se joue à deux. Et puis un autre jeu beaucoup plus récent, celui-ci. Je voulais juste poser une question, mais plus pour mettre en valeur, hein, parce que je pense que c'est clair. Sur la couverture, on voit un couple a priori hétéro. On peut jouer n'importe quel format de couple. On peut jouer n'importe quel format de couple, avec la petite spécificité en fait qu'on va prendre le trait caractéristique du joueur qui est en face de nous comme un des éléments de notre personnage, ou en tel quel ou en inverse. Typiquement, c'est ce qu'on voit sur la couverture, on voit un jeune homme habillé en robe et une jeune femme en jean et en t-shirt, pour le coup, parce que a priori j'ai toutes les raisons de penser que la jeune femme joue un garçon et que le joueur garçon joue une fille, mais ça peut marcher dans d'autres cas, et ça peut être parce qu'il y en a un qui est noir et l'autre qui est blanc. Enfin, l'idée c'est aussi de poser la question de la différence et puis d'avoir une transition chez les joueurs, mais surtout c'est un jeu sans meneur qui se joue à deux, ce qui n'est pas non plus le format le plus courant de jeu de rôle. L'autre jeu sorti chez L'Impromptu, c'est Les Petites Choses Oubliées. Les Petites Choses Oubliées, qui est un jeu qui s'inspire du film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, scénarisé par Charlie Kaufman, réalisé par Michel Gondry. Je n'ai pas la date de sortie, avec Jim Carrey notamment. et Kate Winslet, voilà, et j'ai dit le garçon d'abord et c'est pas bien, où là pour le coup c'est un couple où les choses se passent pas très très bien, où ils ont décidé de se faire effacer la mémoire et puis ils vont se rappeler petit à petit de, enfin c'est, on joue le jeu pendant la procédure de mémoire, où leur reviennent les souvenirs de, des moments intimes de la vie qu'ils ont construit ensemble. De mémoire ça se joue à contre dans l'ordre antichronologique. Et je dis peut-être une bêtise, hein, parce que ça fait un moment que je l'ai lu. Toujours est-il que là aussi, ça se joue à deux, sans meneur. Dans le cadre d'un jeu multiplayer, est-ce que quand on veut parler d'amour, est-ce que quand on veut parler d'intimité, finalement, c'est pas bien de faire des jeux à deux, parce que ça permet de jouer en couple, qui est quand même un lieu privilégié pour parler d'amour et d'intimité, et puis parce que ça permet d'en parler avec quelqu'un, mais pas avec trop de monde, donc avoir peut-être un petit peu moins de chances d'être jugé. Je pense qu'il y a beaucoup justement de réserves dans les jeux de rôle qu'on peut faire habituellement. Parce que finalement, même quand on va se retrouver dans le format plutôt classique, par exemple, je sais pas, d'une joueuse qui va essayer de séduire un PNJ masculin joué par le MJ, par exemple. Hein, donc du coup, il n'y a pas de gêne que ce soit au niveau de l'hétérosexualité des personnages, que de l'hétérosexualité des joueurs. Enfin, parce que parfois, quand en plus c'est un joueur masculin qui va faire ça, il va avoir une gêne. Voilà. Donc, quand on enlève même ces gênes, il reste les gênes du public. Qu'est-ce qu'ils vont croire? Enfin, c'est là-dessus, là, je suis assez d'accord. En revanche, je pense que un jour, on va peut-être dépasser ça. Enfin, je veux dire, ça pourrait être bien quand même de dépasser le tabou de la séduction. Surtout quand elle est fictionnelle, enfin c'est simulé. Dans ces cas-là, il n'y a pas de réelle séduction entre la joueuse et le joueur ou entre les joueurs entre eux. Enfin, c'est entièrement simulé. Et je pense que la prochaine étape, ça pourrait être de concevoir des jeux de séduction et comme ça où il y a une thématique de mise en couple, mais qui pourrait se jouer à plus que deux. Et je précise là-dessus que je suis pas en situation de couple de polyamour et je ne pense pas pouvoir l'être parce que moi cela ne me convient pas. Voilà, je sais que c'est un format de couple qui ne me convient pas. Après y avoir réfléchi, après avoir réellement essayé de voilà, pas essayer de le faire, mais essayer de voir si ça pouvait s'adapter à ma vie. Non, pour moi, pour mon compagnon, ça, il n'en est pas question. Donc voilà. Pour autant, je pense que une représentation de ces couples n'existe pas ou que trop peu. Moi, j'en ai pas de vision. Et je trouve ça dommage parce que moi, quelque part, peut-être que ça aurait pu m'éclater et me faire comprendre des choses aussi. Parce qu'il y a toujours le divertissement, il y a aussi l'aspect empathie qui est important, je trouve, dans le jeu de rôle. C'est un outil qui est fantastique, au-delà de l'aspect divertissement. Même si, évidemment, on est là pour s'éclater, ça c'est clair. Enfin, le but, c'est de s'amuser, c'est un jeu de rôle. Donc peut-être qu'un jour, on verra justement, j'espère, de ce genre de jeu arriver. Je réfléchissais à la gêne qu'on a évoquée tout à l'heure et je me suis dit, tiens, c'est marrant. On a employé le terme « jeu de séduction ». Or, justement, il n'y a rien de pire qu'un compagnon ou qu'une compagne qui prend l'amour comme un jeu. Justement, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le jeu qui, entre guillemets, n'a peut-être pas d'importance, enfin en tout cas en dehors du jeu, ce qui se passe, on peut faire les pires horreurs comme les meilleures choses dans un jeu, l'amour et ou les relations intimes, où là bah tout de suite ça a des conséquences beaucoup plus graves. Et pour prolonger la question d'Adrien et reprendre tes propos, j'ai du mal à voir le hiatus en fait entre l'idée de dire c'est un jeu, c'est une simulation, donc c'est pas grave s'il y a un public, et en même temps on ne parle bien d'amour qu'avec le cœur, et quelque part on parle de sa propre intimité. Et dans la gêne, il y a aussi, si on le formule autrement, il y a de la pudeur, qui est quelque chose qui peut être légitime dans certains cas, même dans le cadre d'un jeu, on peut avoir ne pas envie d'exposer certains éléments de soi. Bah, c'est clair que quand je dis effectivement on y joue avec le cœur, et je suis la première aussi à dire que le jeu, au moment où on joue, c'est extrêmement sérieux. C'est assez clair que au moment où on joue, après on peut tout oublier, on peut faire autre chose, on peut, et c'est justement bien aussi de pouvoir discuter et boire un coup avec les personnes qui peuvent nous avoir dangereusement nuit pendant le jeu à notre personnage. Enfin voilà, et c'est là justement que je trouve que se situe la clé. Il y a une distanciation entre ce que fait mon personnage, que je prends au sérieux pendant le jeu. Mais moi je trouve ça quand même assez extraordinaire qu'on arrive à une situation où on peut massacrer des bébés orques sans pour autant ressentir de gêne vis-à-vis de ses camarades de jeu, et où quand il s'agit de compter fleurettes, c'est compliqué. Je trouve ça hyper paradoxal, et je pense qu'il y a une distanciation qu'on met à certains endroits et qu'on n'arrive pas à la mettre à d'autres endroits. Donc je pense, est-ce que ça répond Tu vises dans le mille là, effectivement. On en parlait il y a deux semaines pour ceux qui nous écoutent. Effectivement, on a pas de gêne à faire les pires horreurs, mais par contre, dès qu'il s'agit de choses plus sur le plus positive et plus intime, effectivement on est tout de suite plus sur la défensive. Mais effectivement, en fait, moi la première partie de ma question était, en fait, c'est que je disais justement, il n'y a rien de pire qu'un compagnon ou une compagne qui voit l'amour comme un jeu. Et justement, il y a ça aussi de attention à peut-être à ne pas tout gamifier, enfin. Pour moi, il y a aussi deux choses à bien séparer. Et ça, c'est très compliqué en français. Et je pense que tu en as conscience, c'est par rapport au mot « jeu ». Parce que quand on parle de jeu de séduction, je ne suis pas certaine qu'on parle d'un aspect ludique. On parle plus volontiers, je pense, d'une sorte de jeu d'acteur. Qui, alors, dans le jeu de séduction, existe forcément dans le sens où on a beau être le ou la plus naturel possible, on essaye quand même de montrer ses bons côtés. Hein. C'est quelque chose d'entendu, mais c'est bien de le rappeler. Il y a un côté, effectivement, je joue une performance, effectivement, d'acteur, qui n'est pas forcément, effectivement, une mécanique ludique. Donc, pour moi, il y a vraiment le distinguo à faire entre les deux. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'une mécanique ludique ne pourrait pas être intéressante, et on en parlait pour Monster Heart tout à l'heure, justement. Non, Adrien ne voulait pas revenir dessus, excusez-moi, je croyais, mais effectivement, la question de la gamification de l'amour, c'est presque la même question qu'on posait tout à l'heure sur l'idée de la gamification de la séduction. Est-ce que j'ai rapporté suffisamment de points pour avoir droit à la princesse ou au prince, hein, ça dépend un peu comment on veut jouer, et ça marche pas très très bien. Je me demande si... Alors, c'est un jeu qu'on cite souvent ici, hein, mais parce que je crois que c'est quand même un jeu assez fondamental sur plein de choses. Un jeu qui parle peut-être bien, pour le coup, d'amour. Alors, ça parle pas du tout de sexualité, mais d'amour. C'est peut-être Journey qui arrive à travailler aussi sur tout ce qui est important dans la relation et de séduction et d'amour, à savoir d'essayer de comprendre l'autre au-delà de ses propres mots. Pour le coup, Journey, c'est vraiment cette question-là de comment je parlais d'empathie un peu plus tôt. Il y a cette idée de comment je peux avoir de l'empathie avec quelqu'un à qui j'arrive pas à communiquer. Il y a ce jeu-là, mais avec une mécanique totalement différente et avec une communication tout à fait possible et même accrue. Je pense aussi à un jeu... Alors, je vais préciser que je n'ai pas joué encore, mais j'ai très très envie d'y jouer. C'est Brothers, où j'ai l'impression, de ce que j'en ai lu, qu'effectivement, il y a une complicité à avoir avec la personne avec qui on joue et qui tient la même manette. Ça me semble hyper intéressant comme outil à exploiter, justement. Ça, et là, je reviens sur l'amour qui n'est pas forcément un amour de romance. Et moi, je trouve ça important d'en parler aussi. Oui, non, pour préciser, Brothers, en fait, effectivement, c'est un jeu où on incarne deux frères, et en fait, c'est aussi un jeu qui se joue à la manette. Et en fait, le stick gauche va vous permettre de déplacer, de faire des actions à un des deux frères. Et donc à droite, il y aura un autre frère, et justement ça va jouer sur cette paire qui ne font qu'un à travers la manette. C'est, là-dessus justement, c'est très ce qui se passe symboliquement se matérialise dans la manette, et c'est ça qui fait sans doute la force de Brothers, et qui montre une sorte d'union justement à travers l'interface homme-machine. Et puis pour le coup, on parle indéniablement d'amour fraternel certes, mais d'amour tout de même. Nous venons de passer une heure de podcast avec une bonne grosse session name dropping. On va vous mettre une petite ludographie pour le numéro, histoire que vous puissiez voir quelque chose. Célène, as-tu quelque chose à ajouter avant qu'on arrive vers les dernières questions du podcast? Il y a un autre jeu dont je voudrais parler, tant qu'à faire dans le name dropping, hein. Jeu qui est sorti, je crois, il y a 2 ans, et dont on n'a pas assez parlé à mon goût, c'est Always Sometimes Monsters. Always Sometimes Monsters, c'est un jeu qui a été fait, alors pour ceux qui connaissent, pour ceux et celles qui connaissent, avec le moteur RPG Maker. Donc c'est de la 2D vue de dessus, plutôt jolie, hein, au demeurant, c'est vraiment plutôt joli. Et où ça a la particularité quand même de nous faire choisir entre 6 persos principaux. Donc parmi une palette assez intéressante de genre et de couleur de peau. Donc ça c'est assez intéressant. Et juste après, alors c'est un peu scénarisé, c'est pas dit comme ça, c'est pas juste choisissez votre personnage, c'est d'abord on joue l'agent qui va sélectionner un artiste, et puis ensuite il dit à l'artiste va chercher ta moitié et ramène-moi là qu'on porte un toast. Et donc juste là on se met à jouer la personne qu'on a choisie comme artiste, et on va dans la salle, dans le patio, et puis on va choisir sa moitié. Alors la moitié, pareil, librement, entre 6 personnes, quelle que soit leur couleur de peau ou leur genre. Donc du coup, en fait, comme ça, on a un personnage dans une palette tout à fait riche, qui va avoir sa contrepartie amoureuse, son intérêt amoureux, choisi aussi librement. Donc il pourrait y avoir des couples gays ou lesbiens, il peut y avoir des couples, comme on dit aux États-Unis, interraciaux. Même si en France ça passe un petit peu mal comme dénomination, ça fait un peu bizarre, mais soit. Et bon, du coup, après, le jeu va être un road movie à la conquête de l'amour perdu, où on va essayer d'arriver au mariage de cette personne, parce que ça se passe un an plus tard et ça s'est mal passé, pour arriver au mariage et dire je m'y oppose, bon, le cliché du film, avec un point de vue hyper réaliste qui fait que, selon aussi comment ça se passe dans la partie, etc., le jeu m'y oppose, la réaction devant, ça va être « Ouais, enfin là, tu gâches la fête, dégage, quoi. Je veux plus te voir. » Donc, c'est un jeu, honnêtement, il est dur à jouer émotionnellement. Il y a un côté un peu trash, socialement, par moment. Si on joue un personnage homosexuel, on va se manger de l'homophobie dans les dialogues. Si on joue un personnage racisé, on va se manger du racisme dans les dialogues. Donc il y a un parti pris très réaliste, hardcore quelque part, moi j'ai trouvé ça bien, parce que ça permet d'ouvrir les yeux aussi sur des choses, et ça m'a intéressé. Et moi je trouvais que ce jeu parlait très bien, alors pas de sexualité, mais d'amour et d'orientation sexuelle et de racisme et de pauvreté, d'exclusion sociale. C'est un jeu, je vous le conseille vraiment. Merci beaucoup pour cette petite recommandation. On va enchaîner sur ce qui sera, j'espère, une deuxième recommandation. On a une question traditionnelle de fin de podcast, j'imagine que tu la connais déjà maintenant. C'est à quoi tu joues en ce moment, Célène? Alors, là, en fait, c'est un peu compliqué parce que je viens de terminer un jeu, donc j'y joue pas. Donc j'ai terminé là très récemment The Walking Dead saison 2 par Telltale sur PC, qui est un jeu que je recommande effectivement, parce que moi en tout cas je parle en tant que personne blanche, ça m'a mis des claques dans la gueule à certains moments quand je me rendais compte que mes interlocuteurs étaient racistes et que c'était du racisme ordinaire. Voilà, genre pour vraiment citer un exemple très très précis, il y a un moment le pote, mais vraiment le pote qui nous suit depuis le début de l'aventure. On le connaissait pas avant, mais on a survécu un paquet de fois avec. Alors c'était dans la saison 1, il faut jouer à la saison 1 avant la saison 2. C'est une histoire qui suit, c'est vraiment intéressant. Donc dans la saison 1, au bout d'un moment, le pote Kenny, il s'appelle, il fait faudrait que tu crochettes la serrure, faut vraiment qu'on voit ce qu'il y a derrière. Et là, bon, dans les choix de dialogue, tu fais, mais au fait, comment tu peux dire que je... Enfin, qu'est-ce qui te fait dire que je sais crocheter une serrure? Et là, il y a une gêne, et il y a le type qui fait, non, mais c'est parce que t'es, tu vois, t'es urbain, quoi. Et là, il y a le choix de réponse, non, t'as vraiment pas voulu dire ça, j'espère. Donc il y a vraiment... Là, quelque part, du coup, bah, c'est le côté... oui, il y a des tas de manières d'être raciste, et cette personne-là, elle a eu un préjugé à la con. Un préjugé raciste. Ça en fait pas une méchante personne, c'est une personne qui fait partie de nos amis et qui est encore dans nos amis après. On l'a pas, voilà, on l'a pas viré du groupe pour ça, enfin voilà. Mais pour autant, bah, cette personne, elle a eu un comportement à préjugé raciste à ce moment-là, et moi, ça m'a intéressé. Et au-delà de cet aspect-là, c'est un jeu qui m'a beaucoup amusé, avec les dilemmes moraux qu'il parcourt vraiment. J'attends avec impatience la suite. Je crois savoir aussi que tu as eu l'occasion de faire du jeu de rôle assez récemment, non ? Oui, alors bon, là, en tant que joueuse, j'ai l'occasion de jouer à une campagne de MV, Magna Veritas, où on joue des anges dans la France contemporaine. Donc, avec un setting assez intéressant où on a perdu contact avec les supérieurs angéliques. Donc, on est un peu livré à nous-mêmes. Et c'est, du coup, c'est un peu encore plus le bordel, mais de manière plus compréhensible quelque part. Hein, et. Avec aussi un aspect de bah, le secret, le fait de ne pas se révéler en tant qu'ange dans la population, ça reste hyper important parce que dès que tu sors la tête hors de l'eau, tu as quand même 15 démons sur le dos, donc il faut faire attention. Donc. Et je précise à l'intention du coup des auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas le jeu, c'est un jeu qui va beaucoup parodier la Bible, va beaucoup... rire. Moi, la référence que j'ai toujours en tête par rapport à ce jeu-là, c'est De bons présages de Terry Pratchett et Neil Gaiman. Mais beaucoup aussi écoutent du Renaud en jouant à ce jeu-là, parce que c'est, bah, c'est vrai qu'il y a, il y a un aspect vraiment assez transverse, assez proche là-dessus. Et sinon, en tant que meneuse, je suis en train de terminer là une campagne de Everyday is Halloween, c'est édité par les 12 singes. L'univers est hyper intéressant. Ça parle en gros de... Alors, l'ambiance se situe vraiment entre Peter Pan, Oliver Twist, Alice, L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est un petit peu une espèce de Londres corrompue du 19e, mais avec des monstres, avec des créatures de la nuit, comme ils appellent dans le jeu. Et on joue à ce qu'on appelle un septième enfant. Donc le septième enfant... Alors c'est une thématique qui nous a beaucoup parlé à des personnes qui justement se sont rendues compte qu'elles étaient LGBT au cours de leur adolescence ou jeune adulte. C'est que les septièmes enfants en fait se rendent compte au bout d'un moment qu'ils sont différents et leur entourage s'en rend compte aussi, et les septièmes enfants sont renvoyés de leur famille, doivent dépendre d'eux-mêmes, en fait, former des communautés d'entraide et de soutien. Donc là-dessus, ça, c'est une thématique, voilà, on a tout de suite fait les ponts. Malheureusement, ce sont pas des ponts qui ont été vraisemblablement été intentionnels, et c'est pas repris aussi bien dans la campagne que dans la construction du jeu en lui-même. Mais après, voilà, un ou une MJ. Moi, j'aime bien dire narratrice, d'ailleurs. Narrateur ou narratrice, parce que pour moi le jeu de rôle est plus à situer, à rapprocher du conte, mais ça c'est un biais personnel, je conçois qu'on puisse ne pas être d'accord. du coup oui, un narrateur, une narratrice qui est sensibilisée là-dessus pourra faire un travail assez intéressant, je pense, d'inclusion sur ces thématiques et de parallèle politique, hein, voilà. On s'est bien amusé. Après, bon, là, on changera probablement le jeu. Faudra que je demande à mes joueurs aussi quel sera le prochain jeu. Je leur en proposerai plusieurs. Eh ben, en tout cas, on retiendra beaucoup d'axes de réflexion qui pourront donner l'occasion à d'autres podcasts à l'avenir. Et je pense que cette idée, globalement, d'inclure le maximum de monde possible et de rire peut-être de nos différences ou de nos préjugés aussi pour mieux lutter contre. Et ben en tout cas on te remercie Céline, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast qui va être le 27e si je dis pas de bêtises. Nous on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau podcast de Ludologie. En attendant, jouez tant que vous pouvez. À bientôt.